Psaume 10. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu loin, et te caches-tu autant que nous sommes dans la détresse? Le méchant, par son orgueil, poursuit ardemment l'affligé, mais ils seront pris par les machinations qu'ils ont préméditées. Car le méchant se glorifie du souhait de son âme, il estime heureux l'avare, et il irrite l'Éternel. Le méchant, marchant avec fierté, ne fait conscience de rien, toutes ses pensées sont, qu'il n'y a point de Dieu. Son train prospère en tout temps, tes jugements sont éloignés de devant lui, il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, « Je ne serai jamais ébranlé, car je ne puis avoir de mal. » Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes, il n'y a sous sa langue qu'oppression et qu'outrage. Il se tient aux embûches dans des villages, il tue l'innocent dans des lieux cachés, ses yeux épient le troupeau des désolés. Il se tient aux embûches en un lieu caché, comme un lion dans son fort, il se tient aux embûches pour attraper l'affligé, il attrape l'affligé, l'attirant en son filet. Il se tapit, et se baisse, et puis le troupeau des désolés tombe entre ses bras. Il dit en son cœur, le Dieu fort l'a oublié, il a caché sa face, il ne le verra jamais. Éternel, lève-toi, ô Dieu fort, ose ta main, et n'oublie point les débonnaires. Pourquoi le méchant irriterait-il Dieu? Il a dit en son cœur que tu n'en feras aucune recherche. Tu l'as vu, car lorsqu'on afflige ou qu'on maltraite quelqu'un, tu regardes pour le mettre entre tes mains, le troupeau des désolés se réfugie auprès de toi, tu as aidé l'orphelin. Casse le bras du méchant, et recherche la méchanceté de l'injuste, jusqu'à ce que tu n'en trouves plus rien. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité, les nations ont été exterminées de dessus sa terre. Éternel, tu exauces le souhait des débonnaires, affermis leur cœur, et que ton oreille les écoute attentivement. Pour faire droit à l'orphelin et à celui qui est foulé, afin que l'homme mortel qui est de terre, ne continue plus à donner de l'effroi.